Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Bonsoir à tout le monde. Je rends grâce à Dieu qui nous réunit encore ce soir. Non pas autour d'un homme, autour de sa parole. Pasteur Eston et maman, merci encore pour l'invitation à la main d'association. Quand j'ai commencé à apprendre le ministère, le pasteur Vernon me disait que la chair coûte cher. Mchungaji Vernon alikuwa akiniambia ya kwamba madhabahu inakuwa bei kali. Chaque fois qu'il me laissait l'intérim, il me disait ne la cède à personne facilement. Na kila mara aliponiachia madaraka aliniambia usipatie madhabahu haya mtu kwa urahisi. Un jour il m'a parlé, m'a tenu par l'oreille, il a dit parce que quelqu'un peut en une prédication détruire ce qu'on a bâti en plusieurs années. Siku moja aliniambia kwenye masikio akiniambia kwamba mtu anaweza kuharibu kwa mahubiri moja ile ambayo mtu amejenga kwa miaka nyingi. Une fois même malgré la douceur de cet homme, il m'a dit quelque chose qui m'a étonné. Na siku moja aliniambia kitu moja ambacho kilinishangaza kufuatana upole wake. Si tu cèdes la chair à quelqu'un et tu vois qu'il est en train de dire des inepties, des choses qui ne tiennent pas selon la sainte doctrine. Ananiambia ukimpatia mtu madhabahu na nasema mambo ambayo hayako kwenye mstari kufuatana na mafundisho. Utilise même la force, fais-le descendre. Unaweza kutumia hata nguvu, mtoshe pale kwa kinguvu. Il a dit s'il résiste, cogne-le en mon nom. Na kama anapingana, mpige kwa jina langu. Il en parlait simplement pour montrer que cet endroit alikuwa tunaongea kuonyesha construire ou détruire. Ya kwamba hii nafasi naweza kujenga na kuharibu. Depuis bientôt 4 jours, tangu siku 4 tayari, partant d'Ésaïe 62, tukizungumzia Isaya 62, du premier au 12e verset, mstari wa kwanza hadi wa 12, et d'Isaïe 60, du premier au 2e verset, na Isaya 60, mstari wa kwanza hadi wa pili, d'où nous tirons notre grand thème de ces deux semaines, ambapo tunaondoa mada yetu kubwa ya wiki hizi mbili, les nations verront ton salut, mataifa wataona wokovu wako. Et Dieu m'a mis à cœur ce soir d'aborder un aspect un peu lié à celui d'hier. Na Mungu ameweka moyoni mwangu nizungumzie leo kipengele ambacho kinambatana na ile tuliyozungumzia. Alors je vous invite à lire ces quatre portions des écritures. Na ninawaalika tusome pamoja hizi sehemu nne za maandiko. Je voudrais qu'on lise avec mon frère. Na ningependa tusome pamoja. Un chronique au chapitre 29. Mambo ya siku ya kwanza 29. Notre lecture va du verset 23 au verset 25. Na masomo yetu inaanzia kwenye 23 hadi 25. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Na Salomon akaketi kwenye kiti cha Bwana. Comme roi à la place de David son père. Kama vile mfalme kwa nafasi ya Daudi baba yake. Il prospéra. Akafanikiwa. Et tout Israël lui obéit. Na Israël nzima wakamtii. Verset 24. Tous les chefs et les héros. Wakubwa wote na washujaa. Et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. Na hata watoto wote wa mfalme Daudi wakatii Salomon. Écoutez le verset 25. 25 msikilize. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon. Bwana kamuinua Salomon kwa kiwango cha juu sana. Sous les yeux de tout Israël. Kwenye macho ya Israeli nzima. Et souligne encore. Na. Et il rendit son règne plus éclatant. Na kafanya utawala wake wenye kung'aa zaidi. Le règne avait des éclats, mais celui de Salomon avait un éclat supérieur. Na ile utawala ilikuwa na kung'aa, lakini ule Salomon ulikuwa unang'aa sana. Que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Nous relisons 2 Chroniques chapitre 26 que nous avons lu hier. Tunasoma tena mambo ya siku ya pili 26 tuliyosoma jana. Nous relisons les versets 3 à 5. Tunasoma tena mstari wa 3 hadi 5. Et nous terminons par le verset 16. Na tunamalizia kwenye shairi la 16. Uzias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Uzia alikuwa na miaka 16 alipokuwa mfalme. Il régna 52 ans à Jérusalem. Akatawala miaka 52 Yerusalemu. Sa mère s'appelait Jekolia de Jérusalem. Na mama yake aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Comment il a commencé? J'aime comment il a commencé. Le verset 4 dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait Amasia son père. J'aime encore ce que le verset 5 dit. Un verbe utilisé pour parler non pas d'un effort d'un moment, mais des efforts répétés. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et comme conséquence, chaque fois qu'on recherche réellement Dieu, dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Mais écoutez le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Avant-dernier passant, c'est Job au chapitre 1er. Du 1er au 3e verset. Il y avait dans les pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était un, intègre, deux, droit. Et trois, il craignait Dieu. Et quatre, il s'est détourné du mal. Et lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait 7000 brebis. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs, c'est-à-dire 1000 bœufs. 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et soulignez la dernière phrase. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Nous terminons avec Job au chapitre 29. Nous lisons du 1er au 3e verset. Et puis les versets 6 à 9. La Bible dit, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, aucun ne puisse pas être comme au mois passé. Comme au jour où Dieu me gardait. Quand sa lampe brillait sur ma tête. Et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Verset 6. Quand mes pieds se baignaient dans la crème. Et que les rochers répandaient près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, je me faisais préparer un siège dans la place. Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours. Et mettaient la main sur leur bouche. Ce soir, je voudrais parler sur ce sous-thème. La bonne gestion de la gloire. Un moyen de révéler le salut de Dieu. La bonne gestion de la gloire. Un moyen de révéler le salut de Dieu. Je commence par vous relater ces deux histoires. La première remonte il y a 19 ans. Et la seconde remonte il y a 12 ans. Il y a 19 ans, je me suis retrouvé invité dans un pays de l'Afrique australe, à côté de l'Afrique du Sud, pour prêcher la parole de Dieu. Je revois encore ce dimanche matin, j'entre dans la parcelle de l'église, avec le pasteur, et nous parquons, et je descends. Et je suis frappé par un véhicule qui était à deux pas du véhicule du pasteur. On dit que c'est le véhicule le plus cher au monde, une Rolls-Royce. De couleur rouge, je revois encore. J'ai commencé à regarder ce véhicule comme si j'étais un villageois. J'ai tourné tout autour. Le pasteur m'a même dit, pasteur Dalo a un peu de prestance. Et je dis, ah tchawe. Parce qu'avant ce jour-là, je n'avais vu ce véhicule que dans un documentaire et dans un rêve. Et là, pour la première fois, je voyais une Rolls, la voiture la plus chère au monde. Et le pasteur me dit ceci, le propriétaire, c'est la première fortune de notre nation. Et il en a deux. Il a une Rolls rouge et il a une autre jaune. Et je te les montrerai à l'église. Quand j'entre à l'église, il y a l'endroit où nous les prédicateurs on était. Et puis un endroit où il y avait les notables du pays. Et je commençais à regarder qui avait l'air de quelqu'un qui pouvait être propriétaire de la Rolls. J'étais étonné, le pasteur me dit, tu regardes dans la mauvaise direction. Il dit, je te montrerai les propriétaires. Une église de 1500 personnes. Et au fond à gauche, il y avait 5 ou 6 membres où il y avait des femmes avec des bébés ou des enfants très jeunes. Et je revois encore les protocoles de l'église, ils étaient en rouge. Chaque fois que l'un de ces enfants faisait un grand besoin et on devait jeter les pampers, ces femmes faisaient un signe de la main et les protocoles couraient. Na kila mara mtoto alipofanya choo ule mama alikuwa ananyosha mkono na protokoli anakimbia. L'une de ces femmes avait besoin de l'eau chaude pour faire un biberon, elle faisait un signe de la main, un protocole courait. Mmoja wanawake wao kama anahitaji maji ya moto anafanya tu alama na protokoli anakimbia. Je vis un homme courir deux trois fois, le pasteur m'a dit retiens ce visage. Na niliona mtu anakimbia mara pili mara tatu mchungaji akaniambia shika ile uso. Et quand vient le moment, juste après la prédication, on voulait ramasser les offrandes, les protocole se tient avant qu'on prie et qu'il se dissémine. Na wakati wa kuombea sadaka wa protokoli wanakuja ili waombe na kisa waende. Il a dit, tu vois le monsieur là qui est allé deux fois, qui est le deuxième à partir de la gauche. Akaniambia unaona ule mtu alienda mara ya pili na kisa anarudia kule kushoto. C'est lui le propriétaire de ce véhicule. Yeye ndiye mwenyeji wa ile gari. Et il m'a ajouté trois choses qui m'ont frappé. Na kaniongezea vitu vitatu ambavyo vilinigusa. Il a dit, un, c'est la première fortune dans notre pays. C'est pas un millionnaire, milliardaire en dollars. Haiko ni kusema millionaire, yeye ni billionaire. Mais il a dit ça fait 15 ans qu'il est devenu. Na nasema kuna miaka 15 amekuja. Mais ça fait 20 ans qu'il est membre de l'église. Na ni miaka 20 ambapo yeye ni mwanamemba wa kanisa. Les millions et les milliards l'ont retrouvé membre du protocole et il n'a jamais cessé d'être membre du protocole. Milioni na bilioni zilimkuta akiwa mwanamemba wa protocole na haja hata kumtumikia Mungu. Et il a ajouté une troisième chose qui m'a laissé bouche bée. Na aliongeza kitu kitatu ambacho kilifunga kinywa changu. Et l'année passée l'état avait un problème pour payer et les militaires et les fonctionnaires, il a emprunté à l'état pour payer tous les fonctionnaires et les militaires. Anasema kwamba serikali ilikuwa na shida ya kuwalipa watumishi wake, yeye akakopesha serikali. Il a une Rolls. Yeye ana Rolls. Il est milliardaire. Yeye ni billionaire. Mais il est membre du protocole. Lakini yeye ni mwanamemba wa protocole. Toi ton salaire passe simplement de 200 à 300, ta démarche change. Wow, unatoka ku 200 300 mshahara wako unaanza kubadilisha namna ya kutembea. Tu es simplement nommé chef du quartier. Tu commences à te plaindre, mais le pasteur Stone ne me place pas là où il faut. Que Dieu nous donne des gens comme ça qui savent gérer la gloire. Cet homme, il allait prendre les couches ayant les caca. Des enfants dont les femmes n'ont même pas 100 dollars en compte. Mais les milliardaires allaient prendre leur caca. Lakini billionaire alienda kuchukua mavi yao. Il y a 12 ans, kuna miaka 12, je suis invité à aller participer à Shiloh Oyedepo. Nina alikuwa kwenda kuhudhuria kwenye mkutano kwa Bishop Oyedepo. L'activité finit dimanche. Mkutano unaisha siku ya Mungu. Je fais un effort par les protocoles et par les responsables de l'église d'avoir un rendez-vous avec papa Adeboy qui est le père spirituel de Oye depo. Ninajikaza ili kwamba ni pate fursa ya kumuona Papa Adeboy ambaye ni baba wa kiroho wa Oyedepo. Quand je suis allé en 2010, aliniambia kwa miaka mwaka 2010, Papa Adeboy organisait une réunion chaque vendredi où il y avait 500 000 personnes réunies en une réunion. Alikuwa naandaa mkutano ambapo kwa kila mkutano kulikuwa watu 1500. Aujourd'hui j'ai appris ils sont à 2 millions pour la même réunion. Nimeelewa ya kwamba leo wamefika kwenye milioni mbili kwa mkutano. J'ouvre une parenthèse, à l'époque moi j'avais 2000 membres à Kinshasa. Na kwa wakati huo mimi nilikuwa na kanisa la wanamemba 2000 Kinshasa. J'ai pris rendez-vous avec lui, je dis papa, je voudrais te voir demain. Na nikamwambia kwamba nahitaji nimuone kesho. Il m'a dit vous les, il m'a pas dit, il a commencé par dire vous les Zaïrois, mais les Congolais, mais dit vous êtes deux, mais les Zaïrois, vous avez des montres qui fonctionnent à l'envers, tu dois venir à temps. Na akaniambia nyinyi wa Kongomani nyinyi ni hatari, mnakuwa na saa ambazo hazitumike sawa. Fais un effort, j'ai dit 10 heures, que ce soit 10 heures. Na akaniambia ujikaze ili kwamba wakati ambao umenipa ikuwe wa kweli. Mchungaji, j'ai fait un effort à 10 heures moins 10, j'étais là. Nikajikaza nilifika pale mbele dakika 10 mbele wakati yangu itimie. À 10 heures moins 5, papa Adeboy n'était pas là. Na kwa saa 4 kukosa dakika 5 alikuwa hajafika. À 10 heures juste, il n'était pas là. Kwa saa 4 alikuwa hajafika. À 10 heures 10, il n'était pas toujours là. Kwa saa 4 na dakika 10 alikuwa hajafika. Et finalement, il est arrivé à 10 heures 15. Na akafika kwa saa 4 na dakika 10. Même quand j'aurai 1000 ans, j'oublierai jamais. Na sitasahau hata kamwe. Cet homme grand, respecté dans le monde. Ule mtu mkubwa ambaye anaheshimiwa duniani. Dans son pays. Ndani ya nchi yake. Cet homme qui à l'époque je l'ai réuni, c'est 500 000 personnes en une seule réunion. Ule mtu ambaye kwa wakati ule anaweza kuwakusanya watu 1500. Quand il arrive, il me voit dit brother Dalo, je dis yes. Anapofika ananiambia Dalo. Mon gars, je n'oublierai jamais. Il présentait des excuses. On dirait qu'il voulait disparaître en baissant. I'm so sorry for coming late, but excuse me. Dans mon cœur, je disais 500 000 membres s'excusent devant 2000. Vous savez, il aurait pu présenter des excuses protocolaires, la main dans les poches. Brother, I'm so sorry. There was a lot of jam. Vous savez, les grands. Parce que la grandeur pousse certains à perdre une vertu. Brother, I'm so sorry for coming. Excuse me. Ce jour-là, quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un tel cœur. Nikasema Bwana unipe moyo kama na huu. Quelle que soit l'élévation. Hitalisi kuinuliwa. Que je ne perde pas certaines vertus. Nisipoteze tabia nzuri fulani. Ce soir Dieu m'a mis à cœur. Na ndio maana jioni leo Mungu ameweka. De parler de la bonne gestion de la gloire. Nisungumzie kulinda vizuri. Comme un moyen de révéler le salut de Dieu. Kama vile njia ya kufunua wokovu wa Mungu. En introduction, je voudrais nous dire ningependa niseme kwa Kiingereza. Deux choses. Vitu viwili. Ce soir nous allons parler de la gloire. Jioni leo tutazungumzia utukufu. C'est qu'elle est. Ces différents contours, ces différents visages, ces pièges, ainsi que sa gestion. Mais deuxièmement, nous allons nous servir de ces trois personnages comme matériel didactique. Salomon, Ozias, Job. Huit choses que je vous prie de noter concernant la gloire. La première, c'est que le mot gloire que l'on retrouve 403 fois dans la Bible vient de deux mots. Le premier mot, c'est un mot hébreu kabod. Et le deuxième mot, c'est un mot grec doxa. Na neno la pili ni doxa ambao ni ya Kigiriki. Mais kabod et doxa. Lakini kabod na doxa. Cache trois significations. Vinaficha mafasirio tatu. La première signification. Mafasirio ya kwanza. Littéralement. Kuangalia tu hivyo hivyo. Kabod ou doxa veut dire. Kabod na doxa ya manisha. Poids. Uzito. Poids. Uzito. Quand on parle de la gloire, on parle du poids. Poids d'une chose, poids d'une personne. Mais j'aimerais déjà insister, ce n'est pas un poids. poids physique. Ningependa nisema haiko uzito ambao unaweza kugusa. Deuxième définition de la gloire. Mafasirio ya pili ya utukufu. La gloire est définie comme étant une valeur spéciale. Inakuwa kama vile bei ambayo ni maalum. Attaché à une personne. Thamani maalum ambayo inambatana na mtu. Cette valeur spéciale. Thamani ya maalum. Se voit aux yeux des autres. Ambayo inaonekana kwa macho ya wengine. Et à nos propres yeux. Na kwa macho yetu pia. Quand on a la gloire, on a une valeur spéciale. Wakati una utukufu una thamani ambayo aux yeux des autres. Macho ya wengine. Et aussi à nos propres yeux. Na kwa macho yetu sisi wenyewe. Mais troisième définition. Lakini mafasirio ya tatu. Qui est la plus utilisée dans la Bible. Ambayo inatumiwa sana ndani ya Biblia. La gloire veut dire éclat, utukufu inamaanisha kung'aa, brillance, kuang'aa, splendeur, ama utukufu, ou prestige, ama heshima, qui s'attache à quelqu'un. Ambao inambatana et la pensée c'est que cet éclat ne peut pas être caché, il est visible. Kung'aa hiyo haiwezi kufichwa, maana inaonekana. Cette splendeur, on n'a pas besoin de microscope pour la voir, elle est palpable. Hauna haja ya kutafuta vyombo ili kwamba uone ile kung'aa, maana inaweza. Elle est visible par les autres. Inaonekana. Elle est visible par nous-mêmes. Deuxième chose attachée à la gloire, c'est que sur 100 fois où la gloire est mentionnée dans la Bible, étonnant, 90 fois ou 90 fois, c'est attaché à Dieu. C'est seulement 10 fois où c'est attaché à l'humain. Troisième chose attachée à la gloire, c'est que quand Dieu donne ou accorde la gloire à quelqu'un, trois choses se passent. La première, la condition de cette personne change. Quand Dieu te donne sa gloire, son éclat, son prestige, sa splendeur, ta condition change. Et deuxièmement, chaque fois que Dieu donne la gloire à quelqu'un, ce changement de condition entraîne un changement du regard des autres. Les autres te regardent autrement parce qu'ils voient que tu as quelque chose en plus mieux, quelque chose de spécial. Et troisièmement, la personne elle-même qui porte la gloire, malgré son humilité, sera consciente qu'elle a quelque chose de particulier. Dans 1 Rois chapitre 3, au verset 13, à Salomon qui n'avait rien demandé, si ce n'est la sagesse, Dieu lui décide de le rendre éclatant, de lui donner une splendeur. Et je prie que ce soit ton cas et le mien. Il dit à Salomon, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai un des richesses, mais il dit de la gloire. Salomon, je vais attacher la splendeur à toi. Salomon, je vais te donner un poids. Je vais te rendre pesant. Et quelques temps après, c'est arrivé. 1 Chronique 29 en parle. Au verset 25 que nous avons lu, l'Éternel éleva au plus haut degré Salomon. La gloire promise est donnée. Mais ça ne s'arrête pas là. Il rendit son règne plus éclatant. J'aime la traduction français courant. David dit, le Seigneur a cru au plus haut point les prestiges de Salomon. Il accorda à Salomon un règne rempli de splendeur. Placez-moi Genèse 45. Au verset 13, où nous voyons Joseph en Égypte, malgré ça, son humilité, ses frères sont venus les visiter, ce n'est plus les rêveurs qui étaient à la maison. Genèse 45, 13, ce n'est plus les rêveurs qui étaient à la maison. Ce n'est plus le jeune homme à qui l'on avait arraché. Écoutez ce que Joseph dit à ses frères avant qu'il ne retourne. Il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Malgré son humilité, il savait, j'en ai. Racontez à mon père combien je pèse en Égypte. Racontez à mon père combien j'ai un éclat. Et il y a tout ce que vous avez vu. La version française courant dit. Allez dire à mon père quelle importance j'ai en Égypte. Dans Job 29 que nous avons lu. Verset 3. Verset 6 à 8. Job qui a perdu la gloire parle de sa gloire passée. Et j'aime la manière dont il décrit ça. Parlant de sa gloire, il dit quand sa lampe brillait sur ma tête. Il dit il y avait une époque, j'avais la brillance sur ma tête. J'avais quelque chose d'éclatant. Écoutez le verset 6. Il parle encore de sa gloire. Il dit quand mes pieds se baignaient dans la crème et que les rochers répandaient près de moi des ruisseaux. Et le verset 7, il montre que cette gloire faisait qu'on ne les traitait pas n'importe comment. Il dit si je sortais pour aller à la porte de la ville, je me faisais préparer une place. Et il va plus loin. Écoutez ce qu'il dit au verset 8. Les jeunes gens s'est retiré à mon approche. Les vieillards s'est levé et s'est tenu debout. Et il ajoute au verset 9. Il dit les princes arrêtaient leur discours. Ils mettaient la main sur la bouche. Job. La gloire. Elle change le regard des gens vis-à-vis de vous. Quatrième chose attachée à la gloire. C'est que la gloire peut avoir un rayon d'action. C'est-à-dire jusqu'où elle a un impact. Quand Joseph parle à ses frères. Écoutez ce qu'il dit. Nous avons mentionné Genèse 45, 13. Allez dire, allez raconter à mon père la gloire que j'ai en Égypte. Si tu quittes l'Égypte et tu vas en Syrie, tu dis, vous connaissez Joseph, on dira, je crois. Mais là en Égypte, on ne pouvait l'ignorer. Avant que Dieu commence à faire certaines choses, facilement je faisais du jogging, du sport à Kinshasa. Depuis quelque temps, je n'ose plus. Na kisha wakati fulani siwezi tena. À l'époque, j'habitais derrière le palais du peuple, un samedi vers 17h, je dis je vais faire du jogging. Je fais juste 4 pas pasteur d'alo. Nzambe vmamutatindio. Na wakati moja nilikuwa natembea tu nakimbia mtu ananiambia est-ce que tu peux prier pour moi? Je prie. Je cours encore 5 papa d'alo. Mchungaji, je suis 200 mètres, m'a arrêté 8 fois. J'ai dit à Viviane na zongi ndako. Kwa mita 200 wakanisimamisha mara 8 nikaambia Viviane rudi nyumba. Mais il m'arrive d'aller dans certains pays d'Afrique, je suis un inconnu avec I majuscule. Na nikifika ndani ya nchi zingine za Afrika sijulikane kule. Parce que je ne suis pas forcément dans mon rayon de gloire. Sababu siko ndani ya eneo ya utukufu wangu. Job chapitre 1 verset 3. Yobu moja mstari wa 3. Parlant de la gloire de Job. Wanapozungumzia utukufu wa Yobu. On parle de tout ce qu'il avait. Wanasema yote alikuwa nayo. C'était l'homme le plus important de cette partie de l'Orient. Na wakasema yeye ndiye alikuwa mtu wa kuheshimiwa sana ndani ya Mashariki. Son importance était attachée à un rayon géographique. Na heshima yake ilikuwa nambatana na eneo moja ya. Mais écoutez ce que 1 Roi chapitre 4. Lakini sikiliza ambayo mfalme wa kwanza ina verset 34 dit. Shaili la makumi tatu concernant la gloire de Salomon. Juu ya utukufu wa Salomon. La Bible, il venait des gens de tout. Biblia nasema kwamba watu walitokea ndani ya mataifa yote. Joseph Egypte. Yusufu Misri. Job l'Orient. Yobu Mashariki. Mais Salomon, lakini Salomon, il venait des gens de tout. tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon. Et je ne me résistais pas à l'époque de Facebook ou Instagram. On se demande comment l'information a circulé pour atteindre le plus loin. Je prie que mon Dieu te donne une gloire qui va au-delà de où tu es. Quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui est né dans le nom qu'il faut, qui a grandi ici, mais il m'a dit, ton appel est mondial. J'aime beaucoup la pédagogie de Jésus. Quand il a voulu faire prendre conscience à ses disciples de l'appel qui était caché en eux. À ces hommes qui n'étaient que des pêcheurs, certains ne sont jamais même sortis de la Galilée pour aller plus loin. Il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Je pensais qu'il allait dire la lumière de la Galilée. Il veut leur dire, vous avez grandi ici, mais vous avez un rayonnement mondial. J'aimerais dire à quelqu'un de te minimiser pas. Tu as commencé ici, mais tu ne finiras pas. Et tout à l'heure, quand je suis rentré à la maison, Dieu m'a parlé d'un jeune homme qui est en train de faire des études de droit. Il m'a dit, oh non, là où tu enseignes, il y a un jeune homme qui a 23 ans et demi. Deux signes qu'il m'a donné, il est né entre deux filles. Le deuxième signe qu'il m'a montré, il dit, sa maman est décédée. Mais sa maman était choriste. Dieu m'a dit de dire à ce jeune homme, tu es né dans cette contrée, tu as grandi dans cette contrée. Il m'a montré les chiffres 20. Il dit, dans 20 ans, si Christ tarde à venir, tu seras le Kofi Annan du Congo. Tu assumeras de grandes responsabilités à l'ONU, aux Nations Unies. Parce que Dieu peut nous donner une gloire qui va au-delà. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Cinquième chose, souvent la gloire, c'est-à-dire l'éclat, le prestige, la splendeur et le poids que Dieu nous donne, il ne nous donne pas tout du coup. Souvent la gloire est progressive. Elle commence petitement et puis elle va de plus en plus. Dans Josué chapitre 3, au verset 7, Moïse est mort et Dieu décide de changer la condition de Josué. J'aime le mot et le verbe qu'il utilise. Il dit pas à Josué, aujourd'hui je t'ai élèverai. Il dit, je commencerai à t'élever. Ça sera un processus. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre avec Dieu n'est pas le maximum. Réjouis-toi de ce que Dieu a fait. Mais ça, Dieu a plus. J'ai lisé la biographie de Yong Isho. Il avait une église de 1000 membres. Et Dieu lui a dit, je te donnerai beaucoup. Quand il a eu 10 000, il a dit, gloire au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ça c'est rien. 5 ans après, il a eu 100 000. Personne avant lui n'avait fait ça. Il était épaté. Dieu lui a dit, je ne fais que commencer. C'est pourquoi Arche de l'Alliance Massina, je vous condamne au maximum. Ne vous arrêtez pas là où mon Dieu ne s'arrête pas. Allez avec votre Dieu jusqu'au bout. Avant que Yong Isho ne meure, son premier culte qui commençait à 5 heures, et le dernier qui finissait à 22h, réunissait 2 millions de personnes. J'ai lu sa biographie. Au soir de sa vie, Yong Isho avait les 3 cinquièmes des parlementaires de son pays dans son église. Yong Isho alikuwa na wabunge 300 kanisani mwake wa. Et lui-même disait, même si je ne vais pas au parlement, j'ai un groupe parlementaire. Na yeye mwenyewe alikuwa anasema hata siendi kwenye bunge ninakuwa na kundi la wabunge kanisani mwangu. Il dit, je décide avant qu'ils aillent là-bas. Mimi ninaamua mbele ya wazee. Que mon Dieu te donne cette influence. Acha Mungu akupe ushawishi huo. La gloire est souvent un processus. Utukufu mara inakuwa ni hatua. Un processus. Hatua. Un processus. Hatua. De Samuel chapitre 5. Samuel wa pili sura 5. Au verset 10. Mustari wa 5. David accède à la royauté. David accède à la royauté. Il commence à faire ses premiers exploits. Placez-moi ce verset et j'aime ce que la Bible dit. Ma Bible à moi dit, 2 Samuel 5, 10, David devenait de plus en plus grand. Grandeur après grandeur. Sixième chose attachée à la gloire. La gloire de Dieu dans notre vie. Peut-être due à plusieurs choses. Un, ce que nous sommes à cause de Dieu. Ya kwanza, ila ambao tuko sababu ya Mungu. Deux, ce que nous avons à cause de Dieu. Ya pili, ila ambao tunayo kwa ajili ya Mungu. Et trois, ce que Dieu fait avec nous. Na ya tatu, ila ambao Mungu anafanya pamoja nasi. La gloire de Salomon était due à la sagesse que Dieu lui avait donnée. Utukufu wa Salomon uliambatana na hekima Mungu aliyompa. La gloire de Job était due à la richesse que Dieu lui avait donnée. Na utukufu wa Yobu uliambatana na utajiri ambao Mungu aliyompa. Mais la gloire d'Ozias était due aux exploits que Dieu lui a na utukufu wa Uzia iliambatana na makubwa ambayo Mungu alifanya kwa mafanikio. Que mon Dieu te donne sa gloire dans n'importe quel domaine. Acha Mungu akupe utukufu wake aitalie. Certains ça viendra par les affaires. Wamoja itakuwa ndani ya d'autres par l'ascension dans les plans sur le plan politique. Na wengine kupanda ndani ya kisiasa. D'autres même peut-être sur le plan académique. Na wengine ndani ya kielimu. Tu auras une chaire à l'université. Utakuwa unafundisha kwenye university. D'autres par les accomplissements dans les affaires. Wengine watafanya mambo makubwa ndani ya kisiasa. Amine dans cette ville les gens de supermarché qui a jamais eu. Na ndani ya mji huu kutakuwa supermarket ambayo hazijafika. D'autres il va te les donner par les ministères. Na wengine wataenda ndani. Que mon Dieu t'accorde la gloire par les chemins voulus par lui. Acha Mungu akupe utukufu ndani ya njia ambayo anaitaka. Septième chose. Kitu cha saba. Et avant dernière. Na ambacho kinatangulia cha mwisho. La gloire dans nos vies joue deux rôles. Utukufu maishani mwetu inafanya kazi mbili. Deux rôles. Kazi mbili. Premièrement. Ya kwanza. La gloire est un révélateur. Utukufu inafunua. Mais deuxièmement. Ya pili. La gloire est un test. Utukufu inakuwa ni mtihani. Quand on dit un révélateur, tunaposema ni ufunuo, un révélateur c'est celui qui met à la surface. Ufunuo ni kila ambacho kinaleta mambo. Fait apparaître des choses cachées et insoupçonnées. Ambacho kinaonyesha mambo yaliyofichwa. La gloire kufikiria. Utukufu finira par démontrer votre vraie nature cachée. Itafikia kwa mwisho naonyesha ni nini tabia yako. Le pasteur Vernon disait ceci. Mchungaji Vernon alisema hivi. Vous ne connaissez jamais un homme tant qu'il n'a pas expérimenté la gloire. Haujamjua mtu wakati haja onyesha ama hajaishi utukufu. Vous l'appelez humble. Tulimuita mtu mnyenyekevu. Attendez qu'il expérimente la gloire pour vérifier s'il a l'humilité. Ngoja tu apate utukufu kisha utachunguza kama yeye ni mnyenyekevu. Vous verrez quelqu'un qui apparemment était humble. Utaona mtu ambaye alikuwa anaonekana mnyenyekevu. Et la gloire t'invite. Na utukufu inakuja. Et vous tirez cette conclusion. Na unasema. Il est devenu orgueilleux. Amekuwa mwenye kiburi. Non, il a toujours été orgueilleux. Anakuwa katu mwenye kiburi. Mais l'orgueil n'avait pas un moyen pour s'exprimer. Lakini kiburi hicho kilikuwa hakijapata njia ya kujionyesha. La gloire a fait sortir des choses. Utukufu inaleta mambo juu. Vous verrez cet homme. Umtu. Parce qu'il a la poche vide. Sababu hana kitu mfukoni mwake. Il est fidèle à sa femme. Yeye ni mwaminifu kwa mke wake. En fait, c'est pas la fidélité, c'est la fidélité attachée dans piaka. Ila haiko uaminifu ni sababu hana kitu mfukoni. Dans sa fidélité apparemment quand il n'a pas quand il voit des sœurs passer dit comme qu'on nous sommes bon. Ndani ya uaminifu wake anapoona wadani takapokuwa na pesa dada huyu na huyu. Et finalement il a l'argent. Na kwa mwisho sasa akipata pesa. Il commence à être coureur de jupons, vous dites il est devenu, il est pas devenu. Anaanza kukimbilia kwa wadada unasema amekuwa hajakuwa. Il était. Alikuwa tangu zamani. Mais c'est là la gloire, l'élévation qui a révélé ce qui est caché. Lakini ni utukufu wa kuinuliwa ndio umefunua ile ambayo ulikuwa nayo. Aide-moi à dire à ton voisin, ne te fâche pas contre moi. L'apôtre Dalo m'a demandé de te poser la question, qui es-tu réellement? Naambia jirani yako usinikasirikie, lakini mtume Dalo ameniambia nikuulize wewe ni nani hakika. Une femme est venue me voir un jour au bureau du pasteur. La fidélité de mon mari est attachée à l'absence d'argent dans ses poches. La fidélité de mon mari est attachée à l'absence d'argent dans ses poches. Il est à côté de moi, un quand il n'a pas ou deux quand il n'a plus. anakuwa pembeni yangu wakati hana ama wakati yote imeisha. Et comme j'aime qu'il soit à mes côtés, écoutez la prière que j'ai fait en kolo kupe saite. Na njisi napenda bakie pembeni yangu nafanya maombi ya hivi, baba usimpatie. Parce que je sais que tant qu'il n'a pas, il reste. Sababu najua kwamba wakati hana atabaki. Révélateur. Inafunua. Qui êtes-vous réellement? Wewe uko nani yake? Roland, c'est toi qui parles. Qui es-tu aussi? Roland, wewe unayeongea, wewe ni nani yake? Au-delà du révélateur, la gloire est un test du caractère. Na zaidi ya hiyo kufunua, utukufu inakuwa kama vile kipimo. Tout le monde pensait que Ozias était un homme fantastique. Kila mtu alikuwa anajua kwamba Ozias alikuwa ni mtu s'appliquant à rechercher Dieu. Ni mtu ambaye anajisoreza kwa Mungu. Jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mpaka wakati alipokuwa mwenye uwezo. Et les gens découvrent Ozias orgueilleux. Na watu wanagundua Ozias mwenye kiburi. Yeye. Les gens pensaient que Salomon, qui avait commencé, qui avait demandé la sagesse, était un homme fantastique. Na watu walifikiria kwamba Salomon alikuwa ni mtu wa masajabu. Quand la gloire s'invite dans sa vie, écoutez ces deux choses. La première, il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les avais rien privés. Na anasema kitu cha kwanza, chochote macho yangu ilitamani, nilipatia naye. Vous connaissez le nombre de femmes de Salomon. Angalia tu hesabu ya wanawake wa Salomon. Et je m'aimerais ajouter à Zako Bala na Mbongo Nzambe. Un pasteur de Nzambe Malamo a dit chaque samedi Salomon dotait quelque part. Na mchungaji wa Nzambe Malamo anasema kwamba kila siku ya sita Salomon alipana mali kwa mama. Un autre pasteur de Nzambe Malamo dit il avait tellement un grand nombre de femmes qu'il ne connaissait pas leur nom quand il appelait. Yo comment les arsos nani? Na mchungaji mwingine anasema Salomon alikuwa na wake wengi hata alikuwa hajui tena majina ya wake zake. La gloire. Utukufu. Un test. Inaonyesha. Un test. Inakuwa kama kipimo. Avant la gloire. Mbele ya utukufu. David sentait son cœur battre quand il voulait dépasser les limites établies par Dieu. Daudi alikuwa anasikia moyo wake kupiga wakati anatafuta kuvuka mpaka. Mais quand la gloire s'invite. Lakini utukufu unapokuja. Celui qui quand il voulait couper les pans de Saül, son cœur battait. Alipotamani kukata ile kanzu ya Saulo moyo wake ulipiga. Mais quand la gloire s'invite. Lakini utukufu unapokuja. Il voit la femme d'autrui en train de se baigner. Anaona mke wa watu akiwa ananawa. Il pose la bonne question. Anauliza kwanza swali. On lui donne la bonne réponse. Wanampatia jibu la kweli. Mais il a la mauvaise attitude. Lakini anakuwa na hali mbaya. De qui est-elle épouse? Yeye ni mke wa nani? Pour que je sache si Dieu a tracé des limites en disant on ne la touche plus parce qu'elle appartient à quelqu'un. Na hapa kuna mpaka sababu Mungu ni wa watu iko wa mtu tayari. Celui qui avant la gloire quand il voulait toucher Saül le roi de Dieu, son cœur battait. Alipotamani kumgusa Saulo moyo wako ulikuwa unapiga wakati hajapata quand vient la gloire. Wakati utukufu sasa umefika. La femme d'autrui dit amenez-la moi. Mke wa watu muniletee hapa. Son cœur ne bat plus. Moyo wake haupige tena. Quel genre de personne tu vas devenir quand la gloire de Dieu va s'inviter? Utakuwa mtu wa aina gani wakati utukufu wa Bwana utakuja? Un révélateur. Unakuwa kifunuo. Et un test. Na inakuwa kipimo. Mais j'aime aussi, si c'est un révélateur et un test négatif, kama inakuwa kifunuo kunakuwa kipimo mbaya, c'est aussi un test et un révélateur positif. Na inakuwa kipimo nzuri ama ufunuo nzuri. C'est au même moment. Ni kwa wakati ule ule. Où Job 1:3 dit, il était l'homme le plus important. Ambapo Yobu alikuwa mtu mzuri wa kuheshimiwa sana. C'est au même moment. Na ni kwa wakati ule ule. La Bible dit de lui, il craignait Dieu. Biblia inasema kwamba juu yake alikuwa na mwogopa Mungu. Il était intègre. Alikuwa mkamilifu. Il s'éloignait du mal. Alikuwa anaenda mbali na mabaya. C'est aussi au même moment. Ni kwa wakati huo huo. Quand il avait tous les moyens. Wakati alikuwa na mali yote. Et dans Job 31 verset 1. Ndani ya Yobu il dit j'ai fait un pacte avec mes yeux. Anasema nimefanya kiapo. Je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. Sita angalia bikira. Quelqu'un dit il y a des péchés qui coûtent cher, il faut avoir des moyens pour les commettre. Na kuna mtu anasema kwamba kuna dhambi ambazo zinakuwa bei kali. Naomba uwe na pesa ili kwamba usifanye. Job avait des moyens. Lakini Yobu alikuwa na pesa. Mais fidèle à sa femme. Lakini alikuwa mwaminifu. Seigneur, aide-moi à rester le même quel que soit ce que tu vas faire. Bwana unisaidie nibaki yule yule hijalisi utakaoifanya. Mchungaji, je ne sais pas si toi tu as déjà connu ça. Mchungaji, sijui kama wewe umeshaishi. J'ai eu difficile à me marier, je demandais la main aux filles, elles me disaient non. Parce qu'il disait que je n'étais pas très beau et puis de deux, je n'avais pas beaucoup de moyens. Nilikuwa na ugumu wa kuoa sababu wabinti walikuwa wananikataa mimi sikukuwa mzuri sana na sikukuwa na uwezo wa kuoa. Mais quand Dieu a commencé à m'élever. Lakini Mungu alipoanza kuniinua. J'ai jamais eu autant de femmes qui viennent se jeter à mes pieds. Le pasteur Vernon me disait un jour, jeune homme, fais attention, l'onction rend beau. En 2002, je finis le deuxième culte avec le pasteur Vernon, une dame élevée en dignité vient me dire, est-ce que je peux te voir demain au bureau? Na niko na mtungaji Verno mama moja wa kuheshimiwa anakuja niambia tena uweza kuona kesi ofisini. Cette histoire c'est ce jour là que ma naïveté a été tuée, enterrée et bien enterrée. Na ni siku hiyo ndio ujinga wangu iliuawa na ikazikwa tayari. Je la fixe rendez-vous, viens demain au bureau. Na mwambia kuja kesi ofisini. Quand j'arrive seulement au bureau, celui qui m'aide à recevoir dit maman on a l'atelier jupe, mon gros des jupettes. Na napofika ofisini wananiambia mama huyu amekuvalia kabisa ka kitu ka chini sana. Et malgré ça je ne pensais à rien. Na mimi nilikuwa sifikiri. J'ai la place au bureau, j'ai dit ma sœur est-ce qu'on peut prier? Elle me dit si tu veux. Na nafika ofisini ananiambia namwambia dada tunaweza kuomba kama unataka. J'ai la prière ça devient si tu veux. Maombi nakuwa kama unataka. Et je prie. Naomba. Je termine la prière. Namaliza maombi. Elle me regarde puis elle baisse la tête. Na niangalia. Et puis elle commence. Est-ce qu'au lieu de pasteur, est-ce que je peux t'appeler Roland? Je dis, Roland, c'est pour Viviane. Roland, c'est ni à Viviane. Je suis pasteur Roland. Mais ça fait quoi ni que je t'appelle Roland, Roland? Ça rapproche les gens. Roland, tu me regardes encore. Si je te dis, tu ne vas pas croire. Dans ma tête, je pensais à tout sauf à ce qu'elle a fini par dire. C'est pourquoi j'ai dit, c'est ce jour-là que ma naïveté a été morte et enterrée. Et dit, moi je suis amoureuse de toi. Moi, quand tu prêches, je ne suis plus le message. Et ma chère a commencé à me dire, mais Roland, ça a succès. Mouchungaji, durant 5 minutes. Mouchungaji, kwa dakika 5. Sur chaque argument, elle avait un contre-argument. Kwa kila kitu nilichomwambia, alikuwa na kitu cha kukipinga. Je lui dis, mais je suis marié, ça fait quoi? Nanasema, mimi nimeoa, basi ni nini? Elle a dit deux autres choses. Nakasema mambo mengine mbili. Elle dit, il ne faut pas chaque jour manger les lengalenga, les lengalenga. Il faut aussi goûter les ngaingai. Asema ayombe siku moja, ukwe na kula siku, kila siku lengalenga. Inomba upime ngaingai. Et puis c'est le dernier argument qu'elle a mentionné. Elle ne le voyait pas, mais durant 10 secondes, ça m'a touché. Ka! Na alisema kitu kimoja kwa mwisho, sasa kilinigusa kwa dakika, kwa sekondi 10. Et dis-moi sur le plan intimité. Anasema mimi kwa ngambo kabisa si ulali. Si je te prends, je te ferai faire des choses que Viviane ne connaît pas mon cœur. Nikikutua na nitakufanyisa mambo ambayo Viviane ajui. Et je me suis ressaisi, je lui dis. Je vais t'accuser chez le pasteur Vernon parce que je connaissais les tes proches et puis elle s'est ressaisie. Alors prie pour moi si vous mangez des faiblesses. Na kisa nikamwambia nitakuchongea kwa mchungaji Vernon akasema basi niombe mimi na udhaifu. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte. Na siku hiyo ndio nilielewa. Qu'il y a des tentations en tant qu'homme de Dieu. Ya kwamba kuna majaribu kama vile mtu wa Mungu. Il y a des gloires. Kuna utukufu. Des élévations. Kuna kuinuliwa. Qui attire des pièges. Ambao inaleta mitego. Huitième et dernière chose. Kitu cha nane na cha mwisho. Devant la même réalité qui est la gloire. Mbele ya ukweli mmoja ambao ni utukufu. Il y a deux attitudes. Kuna hali mbili. La première attitude, les uns restent constants. Hali ya kwanza ni kwamba wamoja wanabaki wakamilifu. Ne change pas. Wanabaki imara, hawabadiliki. Garde les profils qui avaient plu à Dieu. Wanabakia na tabia zilizompendeza Mungu. Et qui avaient fait sa gloire. Na ambazo zilifanya kwamba Mungu awapatie utukufu wake. Mais d'autres par contre changent. Lakini wengine wanabadilika. Certains changent un peu. Wamoja wanageuka kidogo. D'autres beaucoup. Wengine wanageuka sana. Et certains même radicalement. Na wengine wanabadilika kwa kiasi kikubwa. Certains quand la gloire s'invite. Wengine wakati utukufu inakuja. Ils deviennent l'opposé, même la caricature de ce qu'ils étaient. Anakuwa kinyume ya yote ambayo alikuwa. Vous arrivez plus à reconnaître même personne. Na hauwezi tena kutambua ule dans Philippiens chapitre 4. Ndani ya Wafilipiens verset 12. Placez-moi ces merveilleux versets. Muniweke sa ili nzuri. Et je prie que Dieu me donne et Dieu nous donne ici à l'arche. Des gens qui savent vivre ces choses. Philippiens 4, 12, l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il ajoute à la fin, j'ai appris à être rassasié et j'ai appris à avoir faim. J'ai appris à dans l'abondance et j'ai appris à être dans la disette. La version Alfred Kouane dit, je sais subsister dans la disette ainsi que l'humiliation, mais je sais aussi jouir de l'abondance. J'ouvre une parenthèse pour dire 5 vérités rapidement. La première, c'est que l'église aujourd'hui est remplie de gens qui ne savent pas rester chrétiens quand l'abondance arrive. Inajaa watu ambao hawawezi kubaki wa Kristo wakati utele umefika. Ils savent bien vivre la chrétienté dans la disette. Wanajua kuishi uKristo wakati ni wakosefu. Ils savent vivre la chrétienté quand ils ont faim. Wanajua kuishi uKristo wakati wana njaa. Deuxième chose. Kitu cha pili. Très peu. Ni wadogo sana. Savent gérer la gloire. Savent gérer l'abondance, l'élévation, en gardant les profils qui étaient avant. Troisième chose, chez la plupart d'entre nous, la gloire signifie les cimetières et la mort de la consécration. J'ai jamais oublié un homme. Philadelphie commence en 2008. Les cultes commençaient à 7h30, à 7h15 il était déjà là, le premier arrivé. Il nous aidait même à nettoyer les bancs. 3 ans après, en 2011, après les élections, il est nommé conseiller d'un ministre. Les gens m'ont dit, on a commencé à aller voir chez Temba. Chez Temba, c'est une boîte de nuit à Kinshasa. Les gens qui allaient chez lui, whisky rempli. Celui qui arrivait à 7h15, 15 minutes avant le début du culte. Un jour, je me souviens, mon chungaji, moi je vais au culte, je les vois en survêtement, des sports. Et puis il me dit deux choses, pasteur, même si je ne suis pas avec vous, je suis avec vous en esprit. Et dimanche, c'est le seul jour que je travaille les abdominaux. Mais avant la visitation de Dieu, 7h15, il était là. Mais quand Dieu l'a visité, dimanche n'est plus Siku ya Mungu. Dimanche devient Siku du ventre. Aide-moi à dire à ton voisin, qui deviendras-tu quand Dieu va te visiter? Quatrième et avant-dernière chose, la plupart des fois, les bonnes dispositions réelles, nous les avons seulement quand la gloire n'est pas encore venue. Quand tu n'as pas encore, tu commences à chanter. Wakati ya una nini tanitenganisha na wewe? Atapasi ataliwa. Oh, hata mateso, hata kifo. Sincère. Mais que Dieu te visite. Acha tu Mungu akutembelee. Cinquième et dernière chose. Kitu cha tano na cha mwisho. Des fois quand on voit ce qui arrive à certains qui expérimentent la gloire, wakati moja unapoona ile ambayo unafikia wale wanaoishi utukufu, on a tendance à dire la faute de Dieu, c'est de l'avoir béni. Mara unakuwa unaweza kusema kosa ya Mungu ni kwamba alibariki huyo mtu. Quelquefois Dieu au ciel il s'est dit tout ça c'était pour l'amener à ça. Na mara Mungu mbinguni anasema hii yote ilikuwa tu juu nimfikishe hapa. J'aurais dû ne pas le bénir. En le bénissant, je l'ai rendu homme à femme. En le bénissant, je l'ai rendu ivrogne. J'ai reçu un jour la femme d'un bishop, entre guillemets, un grand de Kinshasa. Elle parlait de son ami en pleurant. Ils ont et qui est ensemble aujourd'hui 32 ans. Na mwanamke wa bishop mkubwa akakuja niona siku moja ofisini walikuwa na miaka 32 ya ndoa. Ils se sont connus 3 ans comme fiancés. Walijuana miaka 3 kama vile wachumba. Et puis une trentaine d'années de mariage. Na kisa walikuwa na miaka ile yote ndani ya ndoa. Mchungaji, j'oublierai jamais cette phrase qui m'a interpellé, m'a fait réfléchir. Na sitasahau kama mchungaji hii msemo ambao iliweza kunigusa. Et m'a dit apôtre, kaniambia mtume, les frères en Christ que j'avais, non, l'homme que j'avais connu dans les groupes de prière, les frères en Christ que j'avais connu dans les groupes de prière étaient un enfant de Dieu. Ule ndugu ndani ya Kristo niliyemjua ndani ya kundi ya maombi alikuwa ni mtoto wa Mungu. Mais le bishop est un païen. Lakini huu askofu huyu ni mpagani. Les frères en Christ que j'avais connu dans les groupes de prière étaient un chrétien. Ule ndugu ndani ya Kristo niliyomkuta ndani ya kundi ya maombi ilikuwa ni Mkristo kabisa. Mais le bishop, lakini askofu ule, un païen, ni mpagani. Ce soir en terminant, jioni ya leo nikimaliza, j'aimerais m'adresser à 4 groupes de personnes. Ningependa niongee na aina ine ya watu. Premièrement, j'aimerais m'adresser, ya kwanza ningependa niongee, à ceux pour qui la gloire va s'inviter demain dans leur vie. Na wale ambao kesho utukufu itakuja maisha yao. J'en ai parlé hier vers la fin de cette vision que Dieu m'a donnée. Niliongea jana kwa mwisho wa hii maono ambayo Mungu. 150 églises dans les grands Kivu de l'époque. Ndani ya makanisa 150 ya Kivu kubwa zamani. Il y avait une centaine de millionnaires. Kulikuwa wa milionea 100. Qui sortaient des 150 églises. Ambao walitokea ndani ya makanisa 150. Mais étrange. Lakini ya kushangaza. 42 venaient de l'âge. Ma 42 walitokea ndani ya kanisa la As. Et les 58, na wale 50 na ce sont les 149 autres églises qui se partagent. Ilikuwa ni ile makanisa ingine. Je crois c'est pourquoi Dieu m'a dit, il y a une génération que je prépare va les vacciner. Na Mungu ananiambia kuna kizazi ninachoandaa. À ce groupe là, kwa kundi hilo, que la gloire de Dieu est devant eux qu'ils vont connaître sous différentes formes. Na ambao utukufu wa Mungu utajionyesha kwao kwa ministeriel, kwa namna matériel, ya huduma, namna élévation sur le plan politique. Kuinuliwa kwa kisiasa. Je vous donne ce message, désirez la gloire de Dieu. Na wapatia ujumbe huo mtamani utukufu. Et n'ayez pas peur d'elle. Na msiuogope. Mais deuxièmement, lakini ya soyez conscient des pièges attachés à la gloire. Mujue ya kwamba kuna mitego ambayo inambatana na utukufu. Ya tatu, réglez certaines choses, certaines faiblesses alors que vous êtes encore au plus bas. Mwanze kutengeneza udhaifu fulani fulani wakati mungali chini. Ne laissez pas cette gloire vous amener haut avec certaines choses que vous n'avez pas réglées. Msiache ile utukufu iwapeleke juu pamoja na vitu ambavyo hamchakata. Et quatrièmement, tirez des leçons de ce qui est arrivé aux autres. Ya ine mchukue masomo mafunzo kutoka. Deuxième groupe de personnes à qui j'aimerais m'adresser. Mtu wa pili ambao nitaongea naye. C'est à plusieurs qui commencent à expérimenter la gloire. Ni wale wengi ambao wanaanza kuishi utukufu. Vous êtes dans les balbutiements. Muko mumeingia ndani tayari. Si comme au restaurant la gloire et le repas principal. Ni kama vile kwenye restaurant ile utukufu inakuwa chakula. Vous êtes en train de consommer l'entrée simplement, la salade. Na muko mnaanza kula kwanza salade. À vous, j'aimerais dire un certain nombre de choses. 3. Ningependa niwaambie kwanza vitu 3. Première. Cha kwanza. Souvent. Mara. Dieu ne nous donne pas toute la gloire. Mungu apanake utukufu wote. Il nous donne une partie. Anatupatia kama comme un test. Kama vile nous les gérons bien. Il nous ajoute au plus. Et j'en ai l'assurance, il y a plusieurs qui ont commencé à connaître la gloire. Ce que vous connaissez n'est que l'entrée. Il y a meilleur devant. Et le Dieu de la Bible qui n'aime pas les gaspillages n'ajoute que s'il voit une bonne gestion. Matthieu 25, verset 21, à celui qui avait 5 talents, qui les a bien gérés. Écoutez ce que le Seigneur lui dit. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie les grandes. Dieu ne confie grand qu'à celui qui a géré bien le petit. Seigneur mon Dieu, trouve ici en ces lieux des gens qui gèrent bien le peu que tu leur as donné, afin que tu t'obliges à leur donner plus. Deuxième chose que je voudrais dire à ces groupes. Vous qui avez commencé à expérimenter la gloire, ne changez pas. Restez les mêmes. Gardez les vertus que vous avez. La troisième des choses, le Dieu de la Bible m'a dit, il compte sur vous. Afin que vous soyez des prochains Job, qui, quelle que soit la gloire, savent rester les mêmes. Troisième groupe de personnes auxquelles je m'adresse s'adresse à ceux et à ceux qui avaient eu la gloire, mais qui l'ont mal géré. Dieu m'a dit de lancer un appel à la fin pour eux. Et qui l'ont perdu. Dieu m'a dit de vous dire deux choses. La première, tirez les leçons de la mauvaise gestion d'autrefois et des conséquences que cela a entraîné. Mais la deuxième, faites cette prière comme Salomon, plutôt comme Samson. Quand il avait perdu les cheveux, parce qu'il avait fait une mauvaise gestion la première fois, il a dit à Dieu, si cette fois-ci tu me donnes. Et ce que j'aime, le Dieu de la Bible, permettez-moi les termes, c'est le Dieu de la seconde chance. Ma Bible à moi dit, il lui a donné la capacité d'avoir plus de victoires au soir de sa vie. Mon Dieu m'a dit de vous dire qu'il ne va pas vous enterrer parce que vous avez mal géré. Et il m'a dit de lancer un appel pour vous. Quatrième et dernier groupe de personnes, ce sont les hommes et les femmes qui gèrent bien la gloire. À vous, Dieu me dit de vous dire, ne vous relâchez pas. Mais deuxièmement, ne croyez pas que c'est fini. Et troisièmement, augmentez en prudence. Augmentez en prudence. Augmentez en prudence. Quand j'ai terminé ce message, l'Esprit de Dieu a placé dans mon cœur Jean chapitre 21. Ce verset interpellateur. Christ, après avoir parlé à ses disciples, leur a dit cette chose importante. Il dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais puis il a fini, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 17. Vous avez vu prendre des notes. Je vous ai vu prendre des notes. J'apprécie. Mais si ce message ne reste que dans des notes, dans des laptops, computer, et ça ne devient pas une vie, lakini haikuwe maisha yenu, j'aurais gaspillé mon temps. Nitakuwa nimeponda bure muda wangu. Baissons nos têtes dans la prière. Tuinamishe vichwa vyetu ndani ya maombi. Suis-je un Salomon? Je mimi ni Salomono. Suis-je un Ozias? Je mimi ni Uzia. Ou suis-je un Job? Ama mimi ni Yobu. Veux-je être un Salomon? Je nahitaji kuwa Salomono. Veux-je être un Ozias? Je nahitaji kuwa Uzia. Ou veux-je être un Job? Ama nahitaji kuwa Yobu. Nous prenons 10 minutes encore. Tuchukue dakika 10 tena. Nous allons devant Dieu. Tutaweza kumwanga roho. Je ne sais pas quel cantique Dieu inspire notre chorale. Mais Dieu a placé dans mon cœur ce merveilleux cantique anapatia kwa yetu, qu'on écrit par Papa Alain Moloto. Bwana ameweka moni mwangu wimbo huu ambao maandiko na Papa Alain Moloto. Et chanté merveilleusement par Mama Nadege. Alors que ce cantique sera en train de jouer, wakati wimbo huu utakuwa ukiimba, vous qui voulez prier debout à genoux, faites-le librement. Muombe ngisi mnajisikia. Selon que vous voulez dire à Dieu, je vais être un Job qui gère bien la gloire. Na utamwambia Mungu nahitaji kuwa Yobu anayetawala vizuri utukufu. Mais je voudrais inviter ici devant, que vous soyez ici ou au-dessus, ou que même vous soyez dehors, que Dieu a visité autrefois. Il vous a donné la gloire, je ne sais dans quel domaine, sur le plan ministériel, sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan politique. Mais cette gloire vous a donné des vertiges, vous a fait perdre. Et le même Dieu qui vous avait élevé comme Ozias vous a laissé vous s'est retrouvé par terre. Et ce soir, vous voulez lui dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir gaspillé ta gloire. Vous voulez aussi lui dire, Seigneur, donne-moi une seconde chance. Alors que les cantiques seront en train de jouer, venez ici devant. Alors que nous autres nous prions, celles et ceux qui ont connu la gloire de Dieu, la gloire d'un mariage que tu avais mal géré, la gloire de ce grand ministère, la gloire de ces finances, la gloire de ces portes ouvertes, c'est encore possible. Alléluia. Oublier la honte, les souffrances de toi laisser. Alléluia. Vivre le plaisir d'un bon. À nous qui sommes restés, parlons à Dieu. Et jouir de ma vie en l'enfant rêvé. C'est encore possible. Ingali inawezekana. Dieu m'avait donné beaucoup d'argent autrefois. J'ai mal géré. Mungu alinipa pesa nyingi wakati mwingine lakini niliongoza vibaya. Dieu m'a donné cette position et je suis devenu un homme à femme. Mungu alinipatia ile kazi lakini nikakuwa mwenye kuponda mali yangu. Fini. Jésus-Christ est là. Alléluia. C'est encore possible de tout refaire. Alléluia. De voir venir les beaux choux peuvent revenir encore. De gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout son affaire, de bien faire la gloire, de bien faire la joie de ce qu'on a aimé. Alléluia. C'est possible. Est-ce qu'on peut le chanter encore? C'est encore. Oui, mais pas moi, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout qu'on a perdu. De bien faire la joie. De bien faire la joie de ce qu'on a aimé. Alléluia. C'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est encore. C'est encore possible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible. Et même quand c'est pénible. Alléluia. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Pour ceux qui croient au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le dire encore? C'est encore. C'est encore. C'est encore possible. La grâce. La grâce. Pénible. Même quand c'est pénible. Alléluia. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter une dernière fois? C'est encore, c'est encore, c'est encore. C'est encore possible. Alléluia. La grâce est disponible. te bénisse. Je n'aille vers la fin, je le sens dans mon cœur. Je vois le chiffre 32. Étrange, le Saint-Esprit me dit, au-delà de ceux qui sont ici, il y a 32 qui auraient dû être ici, mais qui ne viennent pas, pour plusieurs raisons. Il y a certains qui disent, je peux la faire cette prière-là où je suis. Est-ce que c'est sûr que j'aille là-bas? Il y a d'autres qui ne viennent pas à cause du quand dira-t-on. On va me voir. Tu vois comment ton cœur bat? Tu vois même ce tremblement, c'est pas à cause de moi. Dieu de la Bible qui m'a envoyé, qui m'a inspiré. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, si c'est pas votre cœur, venez ici. Venez ici. Venez ici. C'est pas moi qui fais battre votre cœur. C'est Dieu qui vous parle. Toi qui étais dans que tu as par l'infidélité. Aujourd'hui, tu as ta geste mais tardive. Tu commences à regretter. Et même quand j'ai prêché, l'Esprit de Dieu me dit, plusieurs disaient, si ce message je l'avais entendu il y a 5 ans, si je l'avais entendu il y a 10 ans, j'aurais vécu autrement. Nous terminons avec ce cantique dans mon cœur. Je reviens auprès de toi. J'entends quelqu'un crier, et si la beauté, ma longanimité, limite na ngai limite na ngai ye kwaya mata kwebo bana ye bomba na ye na longa ye na menalo na longa ye na longa je le sens dans mon cœur, alors que les instruments continuent à jouer. Vous êtes avancé, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Et nous qui sommes restés aussi, parlons à Dieu. Hallelujah! La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu m'avais visité. Tu m'avais donné ta gloire. Je l'ai caché. Je l'ai gaspillé. Visite-moi encore. Et nous qui sommes restés, parlons à Dieu. Seigneur, j'aimerais être un chauve. Qui, quelle que soit la gloire, reste le même. J'aimerais pas être un Salomon. J'aimerais pas être un Osias. Tu vas me permettre. L'Esprit de Dieu me met encore que maman vienne prier avant toi. Pour ceux qui se sont avancés. Pour ceux que Dieu prépare à la gloire. Pour celles et ceux qui commencent à expérimenter la gloire. Pour celles et ceux qui l'expérimentent et qui. Ce dernier cantique monte dans mon cœur. Umelaki, Katiamulili, Tala Yesuaye, Napoléonaye, Mobalia. Il n'oublie jamais. Ce soir, j'ai envie de crier. J'ai envie de sauter. Car le Dieu de la seconde chance est ici. J'ai envie de crier ce soir. J'ai envie de sauter ce soir. Je ne suis qu'un face de terre. Un suis risque. Alléluia. Avec moi, je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Je veux que les instruments s'arrêtent. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Seulement avec nos voix vocales. Je serai couronné. Oui, mais la sautise est tout. Après ces combats, déclare-les. Tangatanayo. Plus qu'un chant, que ce soit une confession. Kukwasaidi. Plus qu'un chant, que ce soit une déclaration. Zaidi ya wimbo iwe matamko ya roho. Encore une fois. Tena mara moja. Est-ce qu'on peut y aller maintenant avec les instruments? Twende na muziki. Je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats. Je serai couronné. serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Vous qui êtes ici devant et nous qui sommes restés juste deux minutes, élevons nos voix devant lui. Le psalmiste a dit, quand je serai devant lui, je lui dirai, quand je serai devant lui, je lui dirai tout. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Dis, Seigneur, tu m'as donné la gloire, mais je suis en train de mal la gérer. S'il te plaît, ne me frappe pas. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je serai le prochain Ozias. L'une des phrases qui m'interpelle et qui me fait réfléchir dans la Bible. Le Dieu qui avait donné la gloire à Salomon. Mais quand Salomon a changé de fils, la Bible dit ceci. L'Éternel suscite à Salomon un ennemi. L'Éternel suscita à Salomon un ennemi. La même main qu'il avait béni commence à les combattre. Le Dieu de grâce, Mungu wa neema, le Dieu de miséricorde, Mungu wa rehema, le Dieu d'amour, Mungu wa upendo, Seigneur, c'est toi que nous sommes en train d'invoquer encore ce soir. Bwana ni wewe ndiye tunaita. Tu es celui qui ne rejette pas toujours. Wewe hautupilia. Tu es celui qui ne nous dit pas de t'invoquer en vain. Wewe hautuambia. Qui ne nous a pas demandé de te prier en vain, Seigneur. Tu es le Dieu de la seconde chance. Wewe ni Mungu unayepata. Père éternel, toi qui ne rejette pas toujours. Baba wa milele, nous venons à toi ce soir avec tous ces bien-aimés qui se sont envasés. Seigneur, tu les as visités. Un moment, mais ils n'ont pas si géré la bénédiction que tu as donnée. Seigneur, tu es celui qui ne nous repousse pas quand nous venons à toi. C'est toi qui nous dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Père éternel, nous t'appelons ce soir. Viens nous visiter encore. Viens, Seigneur, nous visiter. Viens visiter tes enfants, Seigneur. Viens donner la seconde chance au Père éternel à tes enfants. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta visitation. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur de toi. Seigneur, nous sommes en train de te promettre. Nous voulons rester à tes pieds. Cette fois-ci, nous allons rester à tes pieds. Quand tu vas nous visiter, Seigneur de gloire, nous te prions que tu changes nos cœurs. Lorsque tu nous visites, nous ne restons pas les mêmes. Seigneur, tu es celui qui nous change. Le Dieu qui est capable de changer les cœurs de pierre à cœur de chair. Seigneur, ce soir, nous avons besoin que tu nous donnes les cœurs de chair. Ce cœur qui est capable de humilier, le cœur qui est capable de reconnaître que c'est toi le Dieu qui nous bénit. Comme nous ne pouvons avoir rien sans si toi tu ne nous donnes, nous ne pouvons rien avoir qui ne vient de toi, Seigneur. Aide-nous à avoir ce qui est reconnaissant, afin que nous puissions rester à tes pieds, afin que nous puissions rester humbles devant toi. Nous voulons, Seigneur de gloire, toi le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, le Dieu fidèle, le Dieu capable, le Dieu qui n'a jamais échoué. Seigneur, nous voulons que tu puisses, Seigneur, encore nous visiter. Père éternel, à nous, tu as promis, Seigneur, tu promets, Seigneur de gloire, que tu vas nous visiter. Et nous croyons que tu vas le faire, certainement, car tu es le Dieu fidèle. Tu marches derrière ta parole pour l'accomplir. Tu es celui qui réalise les paroles que prédisent tes envoyés. Que tu nous donnes ce cœur humble. Aide-nous à rester devant toi, dans les bons comme dans les mauvais jours, comme Job. Que nous puissions rester à tes pieds. Lorsque Job était un homme considérable dans les pays, il était resté à tes pieds. Tu pouvais le témoigner, et même pendant les moments de souffrance.